Pour la semaine de relâche, les cinémas Le Clap de Place Sainte-Foy et de Loretteville vous présentent cette programmation spéciale. Gros plan sur Rodeo FX, L'Homme invisible, Louis et Lucas, le voyage dans la Lune, Ma famille et le loup, Ma folle semaine avec Tess, Le monde magique de Salma, Les mutants, Programme Gunpowder, Programme Kino Québec, Programme Zébulon le dragon, Terra Willy, planète inconnue, Un conte peut en cacher un autre, Une grande fille et Zoo. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! Et auditeurs, bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Bonsoir, Gentiane La France. Bonsoir, Myriam Leland. Co-animatrice fidèle. Oui, on co-anime, c'est le fun! Yeah! On a une belle émission ce soir, tout en variété. Moi, je vais commencer avec une entrevue avec l'artiste Olivier Moisan-Dufour à propos de son exposition « Reproduire l'improbable » à notre lieu de diffusion favori à dire à Québec. Oui, la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Tout à fait. 3 points pour le dire au complet sans se tromper. Merci. Ensuite, on enchaîne avec une chroniqueuse qu'on n'a pas vue depuis un petit bout de temps. On est contente de la recevoir en studio, Claire Dumoulin, qui va nous parler de la Frida Mania, qui vient avec l'exposition Blockbuster qui est au Musée national des Beaux-Arts oui. en ce moment. Puis le musée surfe sur cette vague de la Frida Mania parce qu'il y a une boutique éphémère dans l'exposition. Au sein même de l'exposition. Oui. Et il y a une conférence aussi la semaine dernière qui explique un peu aussi qui était à propos justement de cette formation de l'icône qui est mm-hmm. Frida Kahlo. Donc on va avoir l'occasion d'en savoir un peu plus avec Claire tout à l'heure. Après c'est toi qui reçois quelqu'un en studio. C'est exact, notre cher artiste anonyme Martin Pantois, notre Banksy de Québec. Ouais. Je sais pas s'il aime la comparaison. Je l'assume. Et donc qui présente à chacune des nouvelles présentations de pièces à l'Abordée une installation au sein même des espaces de l'Abordée. Et cette fois-ci, c'est la pièce rouge, mm-hmm. Une pièce qui entre dans l'univers de Marc Rothko et de son assistant. Mais c'est pas dans l'univers de Marc Rothko que Wartin s'est plongé, mais dans celui de l'assistant. Oh. Donc dans le personnage de ce jeune artiste qui n'a pas encore exposé, qui produit mais qui ne diffuse pas, et de ce qui se passe un peu dans sa tête. On a hâte d'entendre ça. Oui, on va entendre ça, et on a quelques extraits aussi d'une bande sonore qui fait partie de l'exposition qu'on va pouvoir écouter ensemble de brefs des extraits et on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur avec Wartin Pantois tout à l'heure. Parlant de son, ce soir, Simon a pris un petit congé de sélection audio et c'est toi, Gentiane, qui nous gâte avec ta propre sélection. C'est exact. C'est Juana Molina qui va bercer nos petites pauses musicales avec sa musique électro-folk et sa douce voix. Donc, c'est une musicienne de Buenos Aires au Brésil d'électro-folk là. Je vous laisse en juger par vous-même avec le premier extrait In de Lhasa et au retour c'est Olivier Moisan Dufour qui se joint à nous. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland au micro et avec moi en studio, j'ai Olivier Moisan Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ben merci à toi d'être avec nous. Tu es ici pour nous parler, entre autres, de ton exposition « Reproduire l'improbable » qui est présentée jusqu'au 14 mars à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Oui, exactement. Puis, en fait, j'aimerais que je te lance dans le chaud du sujet déjà. Oui. J'aimerais ça que tu commences par décrire un peu ton processus créatif parce que l'exposition, à travers l'exposition, on voit un peu chaque étape de ton processus qui est multidisciplinaire. Oui. Chaque étape de ce processus-là va créer des œuvres. Oui, exactement. Je le résume bien. oui. Ben, mon procédé, en fait, c'est de commencer par des dessins, des croquis. ensuite d'en faire des sculptures et ensuite de faire des peintures de ces sculptures-là. Et forcément, avec le temps, j'ai essayé d'introduire d'autres disciplines, dont le stop motion. Ouais. Puis là, ben, dans cette exposition-là, il y a aussi de l'estampe. Il y a un petit livre d'artiste avec okay. des estampes, de la sérigraphie. Donc, c'est ça. Je touche à plusieurs médiums, puis j'essaie de les faire tourner autour du même sujet, puis de Qu'est-ce relier qui... tout ça ensemble. Qu'est-ce qui motive cette démarche-là, en fait? Qu'est-ce que... ce sur quoi tu réfléchis, en fait, qu'est-ce que ce serait? Ben, la réflexion autour de ça, c'est surtout notre rapport à l'image. Donc, ben, notre rapport entre l'image et les objets. Mm-hmm. Donc, tu sais, on est comme on est sur... Surstimulé. Surstimulé, je sais pas comment le dire, là, mais on est dans un monde d'images où oui. Tout le monde, on regarde nos tablettes, nos ordinateurs. Et moi, dans mon processus, c'est sûr, j'ai toujours eu un intérêt vers la peinture, sur les techniques un peu plus classiques. Mm-hmm. Et de là, de faire des objets et de leur donner une intention particulière, tout comme on essaye de peaufiner nos photos, de les rendre parfaites. Mm-hmm. Donc, ben, d'une part, c'est mon rapport à l'image, puis aux objets. Puis de l'autre, c'est vraiment un côté multidisciplinaire de pas faire un choix arrêté sur une pratique en particulier, mais de mélanger différentes disciplines et de faire des œuvres qui traitent du même sujet, mais qui sont quand même assez différentes là, mm-hmm. les unes des autres. Mais puis ce sont des œuvres qui traitent du même sujet très littéralement, parce que tes peintures, elles reproduisent les sculptures que tu crées, qui ouais. reproduisent les croquis que tu fais. C'est ça. Et c'est vraiment un genre de... Ça tourne beaucoup. Ouais. C'est comme un cycle. Moi, je l'appelle mon cycle de production. Ouais. Puis, en fait, j'ai travaillé sur ça durant ma maîtrise. Donc, okay. ça fait partie d'un cheminement que je suis depuis peut-être au moins trois ans. Puis... c'est ça. Je trouve que une œuvre me mène à une autre, puis ouais. ça fait des séries, ça fait un... Ça crée une cohésion aussi dans l'exposition. Il y a plein de points de référence un peu partout ouais. à travers l'exposition. Oui, moi j'ai une question, Olivier Moisan Dufour. On connaît beaucoup dernièrement ton travail qui se penche plus sur des éléments abstraits, oui. sculpturaux. Et puis là, il y a comme des petits personnages qui apparaissent dans cette exposition-là, puis tu explores plus aussi la question de la mise en scène. Est-ce que c'est quelque chose oui. qui est plus récent dans ta pratique ou c'est quelque chose que tu explores depuis un certain temps? Ben, je pense que c'est assez récent, en tout cas, d'introduire des personnages dans mes toiles, puisque j'ai fait beaucoup... Ben, ma maîtrise, c'était plus des portraits d'objets abstraits que j'ai mm-hmm. appelés. Mm-hmm. Mais là, vu que je veux me lancer plus en... peut-être en vidéo d'animation, j'ai créé certains personnages articulés. Et de là est venu, comme naturellement, je les ai mis sur mes sculptures et là, je fais « Ah, mais tu sais, ça ferait des images quand même intéressantes. » Je les ai pris en photo et là, les photos m'ont convaincu que tu sais, il y a assez de détails. Puis c'était d'autres matières aussi. J'ai moulé des têtes en plâtre. Mm-hmm. D'autres, c'est du tissu. Donc, la marionnette est en silicone. En tout cas, il y a différents matériaux. Il y a du vêtement. Ben, les vêtements sont en tissu, oui. la tête est en plastique. Donc, c'est ça. C'était comme un nouveau défi que je voulais m'imposer. Puis, je trouvais ça intéressant de faire des scènes vu que je me prépare à faire une vidéo de stop motion. Donc, c'était comme... L'idée, c'était de me préparer à faire mon projet. Puis il y a quelque chose de plus, bon, évidemment figuratif, mais de plus ludique. Il y a déjà quelque chose de ludique dans ta pratique, dans la façon dont tu abordes la matière, j'ai l'impression. Mais là, on dirait qu'on pourrait inviter comme des enfants dans cet univers-là, parce qu'on est comme un peu dans le conte de fées quelque part là. Ben, je, Oui, ben j'avais pas vu le conte de fées, mais oui, je pense que c'est quelque chose d'assez imaginaire qui mène à, tu sais, les trois grands tableaux de l'exposition, c'est, je les appelle les scènes, donc c'est scène 1, scène 2, scène 3, et c'est ça, je trouve que c'est comme une histoire que j'ai racontée d'un tableau à l'autre, où il y a comme une accumulation et des éléments qui apparaissent dans les tableaux. Donc le premier est assez frontal, il y a la marionnette, il y a le décor, et ensuite il y a des éléments qui se rajoutent d'un tableau à l'autre. Et forcément, je voulais essayer de créer une espèce de, comme un scénario à travers les toiles. Puis, en même temps, on entre aussi d'une certaine manière dans ton processus créateur. Oui. Parce que, Ben parce qu'on a oui, en fait, l'impression qu'on c'est voit la ouais. d'une toile à l'autre, c'est comme si j'avais des réflexions sur l'angle parfait, qu'est-ce qui se passe dans la toile quand je rajoute une espèce de profondeur. Et forcément, ça fait partie du processus. À force de travailler, je me dis, ah, mais tu sais, ce que je recherche, dans le fond, c'est l'accumulation d'éléments un sur l'autre. Donc, oui, j'espère qu'on voit le processus Ben oui, tout à fait. dans les œuvres. C'est Oui. pas des, pour Ben moi, c'est merci beaucoup, pas Olivier arrêté. Moisan Dufour, Ah, c'est un plaisir. d'être venu nous visiter en studio. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette exposition-là, qui est Reproduire l'improbable à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et c'est jusqu'au 14 mars. On se laisse pour une courte pause audio, toujours avec, rappelle-moi, Juana Molina. Juana Molina avec la pièce Kosoko. Es una equivocación, es un nombre. toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro et avec moi en studio, Claire Dumoulin, notre chroniqueuse fidèle que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue. Oui, fidèle, plus ou moins. Là. Oui, toujours fidèle, bonjour. Fidèle au cœur. Donc, on est contente de te recevoir ce soir, Claire. Tu nous parles de la Freedom Mania. Oui, en effet. J'en dis pas plus, je te laisse nous en parler. Alors, tout le monde sait peut-être, le Musée national des beaux-arts du Québec présente une exposition mettant en vedette notamment des œuvres de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine, dont l'imagerie, dont les portraits sont partout. Alors, et même au Mexique, sur un billet de banque, et ici chez nous, sur des coussins de la collection Simons. C'est vraiment une icône. Et j'ai assisté à la conférence de Mélissa Thériault, philosophe de l'art, la semaine dernière, au Musée national des beaux-arts. Elle abordait d'ailleurs cette question-là de l'icône. Ce terme aussi qui est galvaudé, une icône, ça a trois significations. Donc, c'est à la base, c'est une image religieuse. Oui, c'est ça, ça a quelque chose de sacré. Votif. Ensuite, il y a l'icône dans l'univers informatique qui est un sigle pour une action pratique. Une représentation. Oui. Et sinon, il y a l'archétype, le modèle. Et là, c'est... Donc, Frida, c'est un peu entre l'image sacrée et l'archétype. C'est un peu les trois. Oui. Parce que ça devient aussi un genre de logo. Oui, l'image de marque. Monosourcil. Oui, on le voit, des fleurs dans les cheveux. Monosourcil, on sait de quoi on parle. Exactement. Et je me suis aussi inspirée de l'article de Catherine Genet qui est paru dans Le Voir. Donc, justement, elle nommait comment Frida Kahlo était devenue une image de marque, n'est-ce pas? Et on se replonge un peu dans les données biographiques. Puis on se rappelle qu'elle est née au début 1900, décédée en 1954. Elle est mexicaine. Elle a eu une vie exceptionnelle, une vie aussi avec des grands drames, c'est-à-dire elle avait des troubles des handicaps à cause d'un accident notamment d'autobus. Elle a eu la polio quand elle était jeune. Donc, ça l'a habité toute sa vie. Ça l'a habité son œuvre. Et son œuvre est autobiographique, c'est des autoportraits principalement. Un large, il y en a 50, elle a fait 143 peintures, elle aurait fait 143 peintures et 55 sont des autoportraits. Et elle a donc évidemment une relation amoureuse avec Diego Rivera, grand muraliste mexicain. Mm-hmm. Elle s'est mariée, divorcée, remariée en 1940. Elle a eu une amitié avec André Breton, une aventure avec sa femme, une aventure aussi avec Léon Trotsky et une relation amicale. Elle était fortement militante communiste. Oui. Donc, elle avait plein de dimensions à sa vie, à son œuvre. C'était interrelié. Et donc, est-ce qu'elle est une icône? Oui. Qu'est-ce que c'est les trois grands enjeux? C'est ça que la conférencière faisait ressortir. Des enjeux qui ont transcendé sa vie et son œuvre, qui demeurent d'hyper d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait qu'elle perdure dans le temps. Ouais. Elle était avant-garde au début du 20e siècle. Elle est encore aujourd'hui hyper pertinente. Oui, c'est ça. De son point de vue par rapport à son handicap. D'ailleurs, comment elle a vécu l'handicap? C'est-à-dire qu'elle a voulu, malgré sa mobilité, réduite, elle voulait vivre pleinement. Elle voulait, elle a adapté son environnement pour peindre. Sa mère a posé un miroir en haut de son lit quand elle était alitée de nombreuses semaines, je ne sais pas, journées. Et là, elle a son corset qu'elle devait corriger ses opérations, tout ça. Elle le peignait aussi. Donc, les portraits qui ont été pris d'elle. On voyait rarement son fauteuil roulant. Elle était peut-être assise, peut-être debout, tout ça, mais on voyait pas de canne, de fauteuil roulant. Donc, c'était intégré. Donc, elle vivait pleinement tout de même. Et si ça rejoint des préoccupations d'aujourd'hui d'avoir l'accessibilité et puis de pas restreindre les gens qui ont des des limitations de mobilité. Ensuite, son identité de genre puis son orientation sexuelle fluide, ça, c'est très encore d'aujourd'hui. Elle affirmait fortement sa féminité, mais elle avait cette façon aussi. Il y a un portrait très jeune où elle est habillée en homme et c'est un portrait de famille, donc quand même c'est choquant. Ouais. Et finalement, l'appartenance autochtone, elle revendiquait son appartenance métissée, héritée par sa mère, en portant des vêtements mexicains traditionnels. Donc tout ça aussi, tout ça peut participe à créer cette icône et cette Freedom Mania. Au fond, les ingrédients pour devenir une icône, si jamais ça vous intéresse, là, je sors mon bloc-notes de recette. Alors, si vous avez un long nom, comme elle avait, elle s'appelait Magdalena Carmen Frieda Kahlo y del Calderón, elle l'a simplifié pour Frida. Donc là, c'est très accrocheur. Elle a eu une vie exceptionnelle et beaucoup de talent, une courte vie, et puis elle a défendu des causes sociales plus grandes qu'elle. Ouais. Et finalement, elle avait ce trait distinctif, comme tu disais. Mon sourcil, les fleurs. La lèvre rouge, les fleurs, la détermination. Ce regard perçant qui est à travers chaque portrait, photo et chaque œuvre aussi. On regarde simplement une photo, puis en bon latin, là, on se sent petit dans ses shorts. Elle en impose, Frida. On a le poil qui dresse. On a comme envie d'être son amie, puis en même temps de la suivre un peu. Puis on notait rapidement que c'était assez intéressant l'exposition, c'est une exposition qui existe déjà, qui voyage à travers le monde, donc le musée a pas vraiment eu le choix de la sélection des œuvres, mais un commentaire qu'on entend beaucoup sur les coins de rue comme ça, c'est que les gens sont un peu déçus de ne pas voir beaucoup d'œuvres de Frida Kahlo, mais on s'en parlait hors d'onde, c'est une exposition qui s'intitule en fait Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. Mais le musée a fait ce choix-là de vraiment faire une campagne de promotion axée sur Frida. Il y a une boutique à l'intérieur de l'exposition. La majorité du matériel promotionnel, c'est Frida. Puis même pour la semaine de relâche, leur thématique, c'est Frida. Donc, il y a quand même cette idée-là aussi de capitaliser sur le concept d'icône. Et c'est là qui est fou que le capitalisme a repris malgré tout le dessus et malgré les préoccupations de Frida Kahlo qu'elle défendait. Mais merci beaucoup Claire Dumoulin, on en parlerait encore pendant des heures et des heures. On a déjà hâte de te revoir en studio avec nous. Donc on se laisse pour une courte pause publicitaire et au retour de la pause, c'est Jean-Tien La France qui s'entretient avec Martin Pantois. 89.1. CKRL. Québec. À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et non, ce chien roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca/4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Le Palais Montcalm Maison de la Musique vous offre le meilleur de la musique indie rock avec Anna Calvi. Les amateurs des célèbres PJ Harvey et Nick Cave seront charmés par la voix grave, la guitare virtuose et la personnalité extravagante de la sulfureuse britannique. Le 30 mars, vivez la musique à son meilleur avec Anna Calvi. Détails au palaismontcalm.ca. En mars et avril, United Sounds vous présente Perseid, une série de spectacles musicaux mettant en vedette la culture musicale émergente locale au Maelstrom Saint-Roch. Le 6 mars, c'est Cassandre et Isabelle Cormier qui donneront le coup d'envoi en néo-soul. Le 7 mars, Jérôme Casabon et Jean Do en folk festif. Le 26 mars au Dauteuil, le rock progressif sera à l'honneur avec Inner Odyssey. Le 27 mars au Maelstrom Saint-Roch, l'Indie Rock avec Taxi Blanco et Pastel Barbeau. Informations et programmation de la série de spectacles Perséide sur unitsounds.com. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche. Soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et le collectif Rêve en couleur, présente en grande première nord-américaine la pièce À l'affiche. C'est l'histoire de Sam, Avery et Rose, trois employés sous-payés qui travaillent dans une petite salle de cinéma. Il est question de cinéma, de triangle amoureux, de popcorn, de virage numérique, de Pulp Fiction, mais surtout d'authenticité. À l'affiche, récipiendaire du prix Pulitzer 2014. Un texte d'Annie Baker dans une traduction et une mise en scène d'Angélique Patterson. Du 25 février au 14 mars au Théâtre Premier Acte. Pour plus d'informations, visitez premieracte.ca. Bienvenue à l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels. Et on a décidé de se gâter. On vous a menti avant la pause. C'est pas Martin Pantois qui est avec nous. On avait envie de continuer de jaser avec Claire Dumoulin parce que la Frida Mania, ça nous intéresse. Mais on s'est laissé sur une note un peu rapide. On devait se quitter pour la pause publicitaire. On parlait de cette ambivalence-là qu'on a face à l'utilisation très capitaliste de l'icône de Frida Kahlo, alors qu'elle était un symbole de la contre-culture. En fait, c'est un symbole de la contre-culture, bisexuelle, couple ouvert, féministe, communiste, athée. Et là, on le réduit un peu à un mono-sourcil graphique qu'on met sur des coussins. Claire Dumoulin. Oui. Lance-nous là-dessus. Et des fleurs. Alors, et des fleurs, oui. Parce que je dois avouer, moi, l'idée de cette chronique-là, c'est quand j'ai vu les premières images promotionnelles, donc avec ce sourcil qu'on pouvait placer, c'était collé dans le miroir d'une toilette du Musée des Beaux-Arts en annonçant l'exposition, et on pouvait déjà jouer à placer le sourcil dans notre visage. Ouais. Alors déjà là, je trouvais que c'était un raccourci. C'est assez symbolique aussi de cette tendance-là des musées à vouloir mettre tout et tout le monde en scène, de savoir est-ce que cette expo-là, ça va donner aux gens envie de prendre des selfies dedans. Oui. Ça vient beaucoup avec cette tendance-là qui englobe la Frida Mania. Mais c'est intéressant en même temps parce que Frida Kahlo, elle était précurseur du selfie dans le sens. C'est vrai. Elle adorait se faire prendre en photo. Il y a une quantité importante de portraits, sans parler de ses autoportraits peints, de ses carnets. Alors, c'est intrinsèque dans le sujet. Donc, c'est super pertinent. J'ai pour l'occasion analysé plus la boutique du Musée des Beaux-Arts, parce qu'une boutique éphémère, je me disais, oh, ça méritait un peu. Évidemment, on retrouve des porte-clés, des savons, des objets qui sont à plus ou moins liés au... Des carnets de notes avec des petites fleurs qui ne sont pas du tout en lien avec Frida, mais qui nous font penser à... Oui. Qui sont vraiment décoratives. Mais il y a un choix au niveau du Musée des Beaux-Arts qui a été fait beaucoup sur le livre. Le livre, je trouve, le recueil de réflexions, la biographie, tous les ouvrages... La correspondance. Pour enfants, tout ça, tout est là. Et ça, je trouve ça intéressant comme prémisse d'une boutique, c'est-à-dire d'axer beaucoup, de laisser large place au livre, donc à étudier l'œuvre. Et ensuite, il y a eu une commande spéciale qui a été faite à l'artiste des métiers d'art qui fait partie d'une nouvelle vague qui vient de la région de Bellechasse, mais qui est établie maintenant à Montréal, Amélie Dionowski. Elle a fait donc elle fait de la broderie de façon très, très créative et elle gagne sa vie avec ça. Elle a fait des coussins et des objets, bref, utilitaires avec des broderies de Frida. Et elle, ça fait quand même plusieurs années qu'elle brode le visage de Frida. Elle avait une réflexion sur l'ex-voto, sur l'icône aussi. Elle brode d'autres icônes de la culture populaire. Elle a une série aussi sur des scènes plutôt érotiques. Et elle a une série avec des petits animaux. Elle a fait des écussons. Je sais pas si vous vous rappelez, Clopelgag portait un veston à Tout le monde en parle en 2018 avec deux Frida sur des corps de perruches. C'est Amélie Janowski. Ah, et vous pouvez vous en procurer à la boutique du M&B Back. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait une commande spéciale. Donc, le M&B Back a trouvé une artiste du Québec. Parce qu'on sait que les produits dérivés, souvent, sont viennent d'Asie, d'ailleurs. Ah, oui. Surtout pour des expositions qui voyagent autant. Oui. Puis avec une icône, justement, qui est si facilement reproductible. Exactement. Mais là, d'encourager, justement, une personne locale, une artiste qui crée parce qu'elle ne reprend pas à l'identique. Des fois, les visages sont brouillés. C'est deux fois le visage de Frida. Donc, c'est comme s'il y avait un double. Et il y a plusieurs Frida dans la Frida. Donc, c'est une femme multidimensionnelle. Oui, c'est ça. Puis pour une femme qui est décédée dans les années 50, donc qui a vécu dans la première moitié du siècle dernier, c'est assez épatant de voir toute la place qu'elle a pu prendre. Puis en fait, Diego Rivera, son conjoint, était très populaire avant que Frida le devienne, et c'est un des rares cas de figure où on pense à Rodin Claudel, on pense à Berthe Morisot et son affiliation avec la famille Manet. Et là, c'est un des rares cas où Frida, où la femme a pris le dessus sur l'homme, qu'on entend plus parler de Frida Kahlo que de Diego Rivera. C'est assez impressionnant pour... En 2020, définitivement. Oui. Oui, étant donné les préoccupations féministes. Exact. Et ça, c'est depuis la troisième vague, depuis les années 70. Ouais. Elle est reprise comme icône féministe. Et là, depuis toute l'identité de genre, toutes les questions dont on parlait avant la pause, elle devient une... Donc, c'est pour ça que dans l'article de Catherine Genet, Frida Kahlo, image de marque, est-ce qu'on va être... tannée? Est-ce qu'on va être sursaturé de cette imagerie de Frida Kahlo qui pourrait être banalisée par ses produits dérivés, cette approche plus capitaliste? Mais peut-être pas. L'article finit avec une note d'espoir, c'est-à-dire que les sujets qu'elle traite sont tellement sensibles et universels. On parle de douleur, on parle d'expérience, du vécu, d'espoir, d'amour, de peur aussi. Alors, ça reste pertinent. Oui. Et aussi, Mélissa Thériault revenait avec cette... Elle est une icône, donc elle ne peut pas comme simplement disparaître. Elle est là pour quand même rester. C'est peut-être que les gens vont... Peut-être il y aura des vagues, les gens vont moins s'afficher. Peut-être que c'est au niveau de l'utilisation capitaliste qu'on va stanner, mais je pense que c'est tellement un beau modèle. On entend de plus en plus parler, c'est des sujets qui ont toujours existé, mais c'est que maintenant, on est de plus en plus sensibilisés justement à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle ouverte, à toutes ces choses-là qui sont en fait des spectres au lieu d'être binaires comme on l'a toujours affiché. Et Frida, de faire ça, d'afficher ça fièrement, ouvertement, dans la première moitié du 20e siècle, ça fait... Je me mets à la place d'une jeune fille de 12 ans, par exemple, qui voit ça, si elle a été capable de le faire au Mexique dans les années 1900, pourquoi pas moi en 2020? Oui. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir Frida Kahlo à de nouveaux publics. Et puis, l'exposition, la boutique, cette manifestation-là peut participer à ça. Ouais. Mais le film de Salma, avec Salma Hayek de 2002 demeure un film... Quel beau film! C'est une reconstitution, c'est pas un documentaire, mais c'est excellent. Oui, ça donne envie de se plonger dans l'univers réel de Frida Kahlo. Mais Claire Dumoulin, merci encore une fois. Je te redis merci d'être venue nous voir. Sujet hyper intéressant, puis un point de vue un peu différent de ce qu'on entend parler sur l'exposition. Donc, on se laisse pour une pause audio avec la pièce Andol. Et au retour, c'est J'en tiens la France avec Wartim Pantois pour vrai cette fois-ci. Alors, c'était encore un extrait de Juana Molina, cette artiste brésilienne. Et on a avec nous en studio Martin Pontois. Bonsoir. Bonsoir. On a fermé les rideaux. Tout à fait. Martin Pontois, tu exposes en ce moment à l'Abordée dans ce cycle. On t'a déjà reçu pour parler de... C'est un cycle, hein? De, oui, de différentes expositions qui accompagnent les pièces qui sont présentées au Théâtre de l'Abordée. Et la pièce qui est présentée en ce moment, c'est une pièce qui s'intitule Rouge. Mm-hmm. Qui se colle un peu, si on veut, à la vie de Marc Rothko. Je pense que c'est une pièce qui est quand même assez fictive. Là. C'est inspiré d'un épisode de sa vie? Oui, c'est inspiré d'un épisode où il y a eu un contrat pour orner un restaurant chic à New York qui s'appelle le 4 Saisons. Donc, il y avait eu le plus gros contrat jamais vu à l'époque pour un artiste moderne. Oui. Et c'est ça, donc il travaille sur ce projet-là avec son assistant. C'est l'histoire, en fait, c'est comme un huis clos. Ça se passe toujours dans l'atelier de Rothko. Et c'est un duel d'acteurs entre le personnage de Rothko et son assistant. Et deux personnages. Et toi, tu sais pas tant au personnage du grand peintre moderne que tu t'es intéressé dans cette installation-là pour t'inspirer. C'est le personnage de l'assistant. Oui, c'est. Je me suis inspiré d'une courte scène, du début de la troisième scène de la pièce, mm-hmm. où l'assistant de Rothko, qu'on ne nomme jamais dans la pièce, mais qui s'appelle Ken, apporte une toile pour la montrer à Rothko, mais cette toile-là est emballée et il n'ose jamais lui montrer. Et cette courte action-là dans la pièce, qui finalement est un détail. Ouais. Ben moi, m'a touché, ça m'a rappelé, ça m'a ramené à une œuvre que j'ai déjà faite, que j'avais emballée dans de la bâche industrielle, puis que j'ai jamais dévoilée. Ça s'appelait l'inhibition du monolithe. Puis c'était un genre de monolithe là, de 10 pieds de haut, que j'avais transporté jusqu'à l'îlot Fleury, de mon atelier à l'îlot Fleury, puis que c'était des matériaux, en fait, des 2x4, hein, qui formaient un monolithe, oui. emballé dans de la bâche, puis j'avais laissé à l'abandon à l'îlot Fleury, puis je m'étais dit que la sculpture ne serait jamais dévoilée, en fait, la oui. bâche était comme son emballage. Puis il y avait tout un processus de réflexion quand j'ai fait cette œuvre-là sur mon propre processus de création, en oui. fait. Et là, on a une cinquantaine de tableaux qui sont présentés dans les corridors de l'Abordée, qui sont présentés un peu comme s'ils étaient en transit. Ouais, il y a trois stations dans l'exposition. Il y a la première qui, justement, c'est des toiles sur un chariot, mm-hmm. dont fait partie la dernière exposition que j'ai faite à l'Abordée, qui était Inconsolation, qui était trois grandes toiles, là, 4 pieds par 7 pieds. Mm-hmm. Fait que celles-là, c'est les seules qui ont déjà été visibles. Parce que là, sont emballées. Sont parce qu'il y a des vraies toiles, parce qu'il y a des vrais tableaux qui se cachent derrière ces bâches grises-là. Oui, c'est ça. L'installation est formée d'une cinquantaine de toiles en trois stations, puis mm-hmm. il y en a à peu près la moitié qui sont peintes, que c'est vraiment des toiles que j'ai faites. Puis l'autre moitié, c'est comme des projets en gestation ou des toiles que j'ai voulu peindre, mais que j'ai pas pris le temps ou que j'ai pas peint finalement. Donc, il y a vraiment, sous la bâche, une toile sur deux est peinte. Donc, on est comme un peu... Je parlais de ces toiles qui semblaient en transit, mais il y a quelque chose du transit aussi dans ce qui se cache derrière les bâches, dans ce qui se trouve sur ces toiles-là. Et la première station, elle est accompagnée de... Parce qu'il y a un aspect aussi audio à cette installation-là. La première station est accompagnée d'un extrait de... d'un son blanc, d'un bruit blanc, pardon. Et puis, pourquoi Martin Pontois avoir choisi d'accompagner cette installation-là d'un bruit blanc? Bien, il y a l'aspect que pour Ken, qui est l'assistant de Rothko, il y a la couleur blanche est associée à la mort, à la peur. Et je voulais une façon de représenter justement sa peur de montrer ce qu'il fait par un son. C'est comme si émanait des œuvres emballées, ce bruit sourd-là qui remplit toutes les longueurs d'onde. Et c'est ça, c'est une façon sonore d'illustrer un sentiment que j'ai cherché à on va en écouter un extrait. Donc extrait qui parle pas beaucoup. Oui, en fait, mais c'est, hein, c'est mais comme... oui, c'est un peu comme ces œuvres qui sont cachées par des bâches. Le bruit blanc vient cacher un peu aussi les sons, environnement. C'est sa fonction parfois. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Ça, en fait, c'est comme un son qui contient toutes les fréquences à un volume sonore égal. Mm-hmm. Donc, ça crée un grichement et ça couvre évidemment les autres sons. Et quand on monte à l'étage, là, il y a des stations d'écoute qui accompagnent les installations, encore une fois, de ces tableaux recouverts de bâches assemblés ensemble, qui est très, très mystérieux. Mais là, c'est un artiste qui se livre. Oui, c'est un témoignage, en fait. C'est Steven Lee Potvin qui joue le personnage de Ken dans la pièce, qui s'est prêté au jeu de m'accorder une entrevue. Donc, je lui posais des questions comme si c'était un artiste. Je l'ai mis en contexte avec le sujet, la proposition de l'œuvre que j'allais exposer à l'aborder, qui est une installation sonore. Et il a répondu à mes questions tel un artiste inhibé qui n'ose pas montrer ce qu'il fait puis qui est en réflexion justement sur est-ce que je devrais le faire, puis qui explique en fait qu'il se justifie de ne pas montrer ce qu'il peint. Donc on entre un peu dans la psyché du personnage, dans ses questionnements. On va en écouter un court extrait encore une fois de ce personnage qui est joué par l'acteur qui joue dans la pièce. Je voulais peindre, mais c'est gênant d'envoyer une œuvre dans le monde et de la confronter aux autres personnes. Donc, ça m'a pris du temps à peindre. Je sais pas, c'est peut-être aussi parce que ça résonne tellement fort avec mes propres conflits, mes propres choses, que il y a un côté de moi qui veut pas montrer cette vulnérabilité-là aux gens. Les gens comprendraient non seulement des choses sur moi que je suis gêné de montrer, mais probablement comprendrait des choses sur moi que je suis même pas au courant, qui existent en moi. Et ça, c'est... Il y a une peur, quand même, de se dévoiler comme ça, de se dévoiler même plus que tout ce qu'on connaît déjà sur soi. Donc, Quartin Pantois, quand je disais qu'on entre dans la psyché du personnage, il y a presque quelque chose de l'ordre de la thérapie dans l'acte de créer aussi, d'une manière, mais dans l'acte de créer, mais aussi de le montrer. Ben oui, ou peut-être le contraire, que ouais. Le fait de régler des choses sur soi permet un espace pour la création. Là, c'est comme si le faux témoignage qui était dans l'œuvre était celui d'une personne qui n'a pas surmonté, qui n'a pas réussi à se déjouer, à trouver des façons de passer à l'action. Et ce fut mon cas pendant de nombreuses années où j'ai créé, pas créé. Et donc, ça, évidemment, quand on s'intéresse à un sujet, c'est pas innocemment, c'est que ça nous... En tout cas, moi, la façon que je crée souvent, je pars de choses qui me préoccupent. Et ça a été un sujet de préoccupation pour moi pendant de longues années où j'osais pas trop, je savais pas comment m'y prendre. Et ce faux témoignage-là, en fait, rejoint certaines préoccupations que j'ai déjà eues. Donc, on entre en contact un peu avec le jeune Ouartin Pantois en écoutant ce personnage. Ben oui, à quelque part. Le jeune Ouartin qui n'avait pas de lieu de diffusion, qui avait plein d'idées, qui ne savait pas comment s'y prendre. Parce que, tu sais, la thématique principale de cette installation sonore-là, c'est l'inhibition, mais on pourrait dire qu'il y a peut-être trois étapes avant de montrer ses œuvres. Il y a peut-être, bon, d'abord, il faut créer. Donc, il part une inhibition à créer. Ensuite, à montrer ce qu'on fait. Mais même si on veut montrer ce qu'on fait, c'est pas dit qu'on a l'occasion de le faire. Moi, ça a été mon cas dans... Et c'est pas pour rien que j'ai choisi la rue comme premier lieu de diffusion de mes œuvres. C'est que c'était un endroit accessible. Comme j'avais pas de formation en arts visuels, c'est plus difficile pour moi d'appliquer dans des centres d'artistes, dans des lieux plus... Des lieux consacrés à la diffusion. Oui, tout à fait. Donc... Donc, voilà. ce travail-là de passer par la rue t'a mené à aller vers des lieux de diffusion officiels, si on veut. Puis, donc, t'as exposé dans différents centres d'artistes déjà. Et là, ben, une belle collaboration également avec l'Abordé. Quelques mots sur des projets qui s'en viennent, Martin Pantois? Bien, il y a plusieurs choses qui s'en viennent cet été, mais avant, il va y avoir l'exposition pour la pièce Made in Beautiful à l'Abordé. Donc, c'est ça qui se trame. Ah oui, c'est là-dessus que je travaille ces temps-ci, puis j'ai très hâte de montrer ça. Ça va faire une belle transition vers les œuvres dans l'espace public qui s'en viennent cet été. OK. Bon, ben on suit ton travail, Martin Pantois. Merci beaucoup d'être venu te joindre à nous. Et l'exposition est présentée à l'Abordé jusqu'à la fin de la pièce. Est-ce que tu te souviens de la date? Le 21 mars, si Merci je me rappelle beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Jusqu'au printemps. Et alors, nous, on se quitte pour une petite pause musicale. Et au retour, c'est l'agenda de la semaine. I C'était la pièce Estalacticas de Juana Molina. Oui, de son dernier album Halo, qui est sorti en 2017 déjà, donc on attend son prochain. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai choisi de vous faire découvrir aujourd'hui. Merci pour cette belle sélection, j'en des belles tiens. Ambiances musicales. On aime ça. Mm. C'est déjà l'heure de l'agenda de la semaine. Oui. Petit agenda cette semaine, mais ô combien intéressante. Donc, depuis hier jusqu'à ce samedi 7 mars, Le Diamant présente La Galerie. C'est un spectacle au cours duquel 7 acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s'emparent d'une exposition monochrome et la transforment en une explosion colorée. Mmh. Il y a une représentation par jour à 19h, donc à tous les jours à 19h jusqu'à ce samedi. Sauf ce samedi, en fait, c'est à 15h. Vous pouvez vous procurer des billets, avoir un petit peu plus d'informations via le site web du Diamant. Donc, c'est bien intriguant. On sort sur le Diamant. C'est parfait semaine. Pour la semaine de relâche. Ah oui. Mais en fait, pour la semaine de relâche, il y a aussi beaucoup d'activités qui ne sont pas nécessairement diffusées à grande échelle, là, mais au Musée national des beaux-arts du Québec. Là, je pense à ce soir, il y a Fanny Hénon-Lévy qui est sur place avec un dispositif pour faire des portraits. Donc, on se met face à face avec une surface entre les deux et on fait le portrait de l'autre. Dans la thématique Frida Kahlo en On parlait avec Claire Dumoulin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour les gens qui sont en relâche cette semaine, informez-vous auprès du musée des activités gratuites, des activités payantes, toujours beaucoup d'animation. Sinon, c'est la dernière semaine pour voir l'exposition « L'objet témoin » de Guillaume Labrie et Éric Cardinal à la Galerie A. L'exposition se termine ce samedi 7 mars. On rappelle que la Galerie A est ouverte du jeudi au samedi, de midi à 17h et sur rendez-vous. Et c'est également la dernière semaine pour aller voir la très belle exposition « Une lumineuse fin du monde » de Pierre et Marie, dont nous avons parlé la semaine dernière. Et pour aller faire le tour du Vieux-Québec avec ce beau projet, le Jardin d'hiver, organisé par Manif d'art. Encore une belle activité aussi à faire avec les enfants pour tout la relâche. Oui, pour découvrir soit l'art, soit le Vieux-Québec, ou les deux, en famille, en couple, tout seul, n'importe comment. Alors, on remercie Olivier Moisan-Dufour, Martin Pantois et Claire Dumoulin. Et on remercie également Jacques Gignac, le Marc Rothko de la console. Et on passe à Pierre Blais. CKRL. Communication. Culture. Communication culture, de quoi bonsoir, on parle? Bonsoir, Pierre Blais. Bonsoir à vous deux. Comité d'accueil pour toi ce soir. Absolument. Pierre Blais, je te lance des mots comme ça. Trouve-moi un sujet. Vietnam, Anne Dorval. Ben oui, elle est dans un film 14 jours et 12 nuits. Je suis bonne, hein? Non, mais... C'est impressionnant. Mais sincèrement, c'est rare qu'on a des films québécois aussi exotiques. Parce que le film se déroule aux trois quarts, même je dirais plus que ça, au Vietnam, avec des images réellement fantastiques, mais dans un drame. On est loin d'être dans une comédie, okay. Donc Anne Dorval ne vous fera pas rire. Et c'est Catherine Pelletier qui va nous parler de ce film qu'elle a vu, et que j'ai vu moi aussi, et que nous critiquerons ce soir, tout juste après avoir parlé d'une prochaine salle de cinéma qui va ouvrir dans le centre-ville de Québec dans environ 2 ans. Yay! On a hâte d'entendre ça. Merci Pierre Blais, bonne émission. Et merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre magazine sur les arts visuels à Québec. Cette année, on fête la Saint-Patrick à la brasserie artisanale La Korrigan. Musique irlandaise, promo sur la bière et sur le whisky, casque spécial, ambiance festive et plusieurs prix à gagner. Tout ça au 380 rue Dorchester. Le 14 mars dès 17h, on t'attend! Pour la semaine de relâche, les cinémas Le Clap de Place Sainte-Foy et de Loretteville vous présentent cette programmation spéciale. Arthur l'aventurier au bout du monde en Australie. Au secours, j'ai rétréci mes parents. Oui, sans parole. C'est quoi cette mamie? Le cercle des petits philosophes. Disparition à Clifton Hill. Donne-moi des ailes. En avant, la fameuse invasion des ours en Sicile. Gare au loup 2. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.